Je vais être tout à fait honnête envers vous. Je hais cette planète, ce zoo, cette prison, cette réalité, peu importe comment vous la nommez, je ne peux plus la supporter. Elles sont la merde, merde, merde. Si les odeurs existent, je suis envahi, cerné par cette puanteur. Je sens votre pestilence. Et toutes les deux minutes, j'avoue que j'ai moi-même peur d'être infecté, tellement vous me répugnez. Notre destin est tracé comme un kilo de shit. L'hiver, on te taille un short, dis-moi ce qui est logique. NSDF, c'est pas où loger. Son ami, c'est sa canette. Je hais cette planète. Dans la rue, je croise des gens pas nets. On veut l'argent, la femme et la maison, on baisse l'argent. Je te braque pour une rançon, mon rap est sombre. Univers à la Monsanto, touche à la famille, je deviens justicier à la Bronson, je fais pas le bandit. Je suis un mec parmi tant d'autres, les temps sont durs, on sature à la recherche de kilos d'or. Palestine, Israël, toutes ces conneries vont trop loin. Dur de vivre en paix, en fuite avec un gros joint. Les femmes, je fais jouir de nuit comme de jour, souvent rabat, excuse me. Si je me trompe de trou, on va canner en essayant d'avoir le Cayenne. Il se met à cailler sous la couette, je voudrais une AIM, c'est la rue qui parle. Car la terre tourne pas rond, et ouais, on enchaîne les péchés, on cherche. Le pardon entre quatre murs, tu roules des buzz, t'écoutes de l'acide. Un jour tu sors, un jour tu rentres. La vie c'est magique, si je loupe ma vie, ça sera à cause des gènes de mon père. J'ai pas d'amour pour lui, je serai pas là si on l'enterre. Trouverai pour percer, espagnol comme un chano. Je vais couper mes doigts pour pas qu'une pute me mette l'anneau.